donc du Burkina, du Mali, du Niger, tout ça, puisque c'est ces frontières aussi qui sont concernées et sa sécurité qui est concernée, on en a parlé plusieurs fois. Donc ça aussi, ça pèse, puisqu'il y a tout le soutien de l'Algérie envers ces pays-là, qui sont africains, tout comme l'Algérie, c'est son continent, elle a le droit de demander aux forces étrangères de quitter, quand elles sont indésirables, bien sûr, quand ces forces sont invitées par le pays, comme les Russes sont invités par nos amis maliens, ça, il faut pas s'en mêler, parce que ça devient une ingérence. Le pays décide pour lui-même et les peuples décident pour eux-mêmes. Troisième bonne chose. Afrique Média, le monde, c'est nous.